Après Shane Gauthier l'an dernier, Dolbo Mistassini a un deuxième joueur repêché par une formation de la Ligue canadienne de football. Alexandre Gagnon a été repêché par les Stampeders de Calgary récemment. Et tout le personnel et la direction de Dolbo Auto est très heureux et félicite Alexandre. Un bel exemple de ténacité et détermination pour notre jeunesse. Notre département des ventes vous invite à venir voir nos différents modèles, Sierra et Silverado, à partir de 10 500 $. Dolbo Auto, 1770 Boulevard Wahlberg à Dolbo Mistassini, 418-276-0580. On va parler de course à pied avec notre ami Pierre-Luc Ménard. Le Club du Mille du secteur de Dolbo semble être reparti sur des bonnes bases. Il y a eu des années plus creuses. Quoi qu'il en soit, il participe à des compétitions et ça semble bien aller. On va parler avec le nouveau responsable, celui qui a pris un petit peu la relève de Jocelyn Gagné, c'est Pierre-Luc Ménard. Salut Pierre-Luc. Oui, salut Danny. Pierre-Luc, ça semble vraiment bien parti pour le club, là. Je pense qu'on est reparti sur des bonnes bases. Le membership semble remonter, là. Oui, vraiment. Depuis 2 ans qu'on travaille très fort pour remettre à pied ce club-là, puis de redonner l'importance à nos jeunes, l'identité du Club du Mille. On est officiellement enregistré comme organisme à but non lucratif. On a un CA. Donc, vraiment, Jocelyn nous a vraiment nous a légué ça. Puis là, je dirais que tranquillement, on est en train d'améliorer l'aspect, d'augmenter le membership. Puis je dirais, on est rendu à plus de 30-35 jeunes actifs. Wow. Qui viennent quand même 3 fois semaine, le mercredi, samedi. Donc, lundi, mercredi, à Pigeon-Dolbo à 18h, puis le samedi matin à 10h. Mm. On a un bon noyau de jeunes compétitifs aussi. C'est sûr et certain que on a un CA, on a moi puis Yann Tremblay, vraiment, là, qui est président du club, qu'on chapeaute au niveau des entraînements. Puis on a aussi Alex Bouchière qui fait partie du club aussi, qui nous aide au niveau technique, même s'il est encore athlète. Il est à Québec, qui est quand même là pour nous supporter et nous donner des conseils aussi ensemble. Okay. On a une belle équipe. Donc, ça va super bien. Mais quand vous avez dit on a remonté le membership, qu'est-ce que vous avez fait, hein? Ben, je dirais que c'est vraiment... premièrement, je pense qu'aujourd'hui, on s'est enregistré au niveau de l'organisation. On a fait un CA. On a peut-être... on a publicisé sur Facebook... on a augmenté la régularité des entraînements et des niveaux scolaires après l'école, mais vraiment le samedi, on offre une gamme de services là, puis de présence au niveau des encadrements entraîneurs constants. Okay. Puis là, ben nos jeunes aussi, je pense qu'il y a vraiment un beau noyau de jeunes passionnés de l'athlétisme, pas juste à course à pied, mais de l'athlétisme en général. Qui eux là sont en secondaire 1, 2, 3, puis là ils commencent à ramener les jeunes, puis à attirer d'autres personnes, fait que ça grossit. Puis nous on est là pour les encadrer, puis c'est sûr qu'à plus de 30 jeunes, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Ben oui, c'est clair. Là. Y a-t-il un jeune qui performe assez bien? Bon, on a, je dirais, notre petit noyau de compétitif là, il est bon. Nos marcheurs sont toujours quand même bien. Bien classé au niveau provincial. Donc on a quand même des bons noms, là, mais je dirais globalement, bon, Elisabeth, championne de Jeux du Québec l'année passée, peut visiter même peut-être les Légions canadiennes cette année. Même chose pour Caroline Dufour, une autre marcheuse cadette qui est championne provinciale, qui peut peut-être viser les Légions canadiennes au niveau du standard. Ça va être serré, mais c'est peut-être aussi possible. Okay. Puis au niveau des coureurs, ben on a nos Gabriel Lamontagne, qui gagne en développement, en expérience, puis quand même qui figure très bien pour un KD1 au niveau provincial sur le demi-fond, Marguerite Tremblay, Miralie Mathieu, Alexis Tremblay. On a vraiment des jeunes là qui, eux autres, ça fait déjà 3 ans, je dirais, qui sont passionnés par l'athlétisme, puis qui commencent à venir performer au niveau provincial. OK. Le fait que vous avez quand même que la course à pied, ça revient in de courir. C'est des modes, là. Ça doit vous aider aussi pour le membership, là. Oui, effectivement. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a une composante, surtout les jeunes membres, donc c'est-à-dire les gens, là, les jeunes primaires, leurs parents courent. Okay. Donc, la passion de la course, fait que leurs parents, ils leur transmettent ça un peu, ils en parlent, puis ils viennent l'essayer, puis là, ils voient que c'est accessible aussi, la course à pied. C'est un sport qui est complémentaire de plusieurs sports aussi. La période estivale, c'est une bonne façon, de façon ludique, mais de se garder en forme pour d'autres sports, que ce soit le judo, le patin de vitesse, le hockey, le patinage artistique, peu importe, en automne. Fait que ça, c'est un beau complément au niveau du sport. Je dirais que la course de relève, c'est une bonne, c'est un bon moteur de propulsion aussi pour les jeunes qui voient qu'il y a un bon potentiel, qui ont aimé courir, fait que les viennent essayer aussi. OK. Donc, si on y allait maintenant, puis vous avez pas mal de compétitions, il y en a eu une dernièrement, puis là, j'imagine que vous préparez pour d'autres compétitions aussi, là. Oui, ben on en a une dans deux semaines et demie, vendredi, samedi, dimanche, le 14, 15 ou le 15, 16 juillet à Sainte-Thérèse à Montréal, c'est le championnat provincial civil d'athlétisme. Donc là, tous nos jeunes qui compétitionnent à l'année se préparent présentement là, niveau d'entraînement pour vraiment atteindre un sommet de forme à cette compétition-là. Puis comme j'ai dit, après, pour la plupart, ça va mettre fin à la saison d'athlétisme. Okay. Mais peut-être les Légions canadiennes pour deux marcheuses. Puis ensuite, la saison de cross-country va commencer tranquillement. Là, okay. En c'est-tu bien dur de trouver des bénévoles? Ben je dirais que, encore là, c'est un changement. Quand moi, j'étais à Kiev, il y a 10-15 ans, là, quand j'ai commencé, la différence, c'est qu'il y a des parents plus. L'implication des parents est grande quand même. Les parents viennent encourager leurs jeunes, assistent aux entraînements. Donc, quand on a besoin d'aide, que ce soit pour le chronométrage ou autre chose, je pense que les parents se sentent plus impliqués. Puis, c'est moins problématique que ça l'était, je dirais, il y a 10-15 ans. OK, OK. Ben, Pierre-Luc, un gros merci. Évidemment, on a toujours suivi les activités du Club du Mille, puis on revient. Évidemment, gênez-vous pas quand il y a quelque chose. On est là pour ça, les organismes de sport. Voilà le responsable du Club du Mille, du secteur de Drebeau, Pierre-Luc Ménard.